cette fille. Quand chérie me sent une grosse, c'est la baston. Elle veut exploser tous mes plafonds. Le genre de meuf qui te fait fondre des glaçons. Elle a un passé, mais bon, passons. Elle te fait perdre la tête. C'est comment te rendre bête. C'est la plus chevrée de la fête. Mimi, chérie, pour toi, je ferai le mille. Tu m'appelles, je débarque à la minute. Et c'est lui qui touche, on le finit. Chérie, fuck les histoires de cœur. Elle veut billets de couleur. Du genre pour calmer ses douleurs. Elle sait soit aussi ou merde. Au bout du, elle veut classer. Chérie, fuck les histoires de cœur. Elle veut billets de couleur. Du genre pour calmer ses douleurs. Elle sait soit aussi ou merde. Au bout du, elle veut classer. Elle veut des preuves et des trucs, non, ne lui pose pas de questions. Elle est bonne, elle est belle durant les 4 saisons. Elle prend tout chez ton mec, elle a grave raison. Laisse-moi du temps, ouais. Juste un peu de temps, ouais. Pour te donner ce que t'as jamais eu. Te donner ce que t'as jamais eu. Oh, oh, oh, oh, oh. Chérie, pour toi, je ferai le mille. Tu m'appelles, je débarque à la minute. Et c'est lui qui touche, on le finit. Chérie, fuck les histoires de cœur. Elle veut billets de couleur. Du genre pour calmer ses douleurs. Elle sait soit aussi ou merde. Au bout du, elle veut classer. Chérie, fuck les histoires de cœur. Elle veut billets de couleur. Du genre pour calmer ses douleurs. Elle sait soit aussi ou merde. Au bout du, elle veut classer. On s'entend, ce matin. Minuit passé, viens, on va chez moi. On s'entend, ce matin. Passé, viens, on va chez moi, on s'entend. Ça marche bien. Les minuits passées, viens, on va chez moi, on s'entend. Ça marche bien. Les minuits passées. Chérie, fuck les histoires de.